Jeûne facultatif. Jeûne facultatif. الصيام التطوع. Les jeûnes facultatifs non obligatoires sont recommandés un certain nombre de jours et en certaines occasions incluant les situations suivantes. Le jour de Arafat pour ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage. Ce jour est le 9e jour du mois de Dhul-Hijja. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Jeûner le jour de Arafat expie les péchés mineurs de l'année précédente et de l'année suivante. Jeûner le jour de Ashura expie les péchés commis l'année passée. » Hadith rapporté par Muslim. Le jour de Ashura, voir le hadith précédent. Les 6 jours du mois de Shawwal. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours au mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. » Rapporté par Muslim. Le lundi et le jeudi, les œuvres sont présentées à Allah ces 2 jours. Hadith rapporté par Ahmed. Les 13, 14 et 15e jours de chaque mois lunaire. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a affirmé que jeûner ces jours équivalait à jeûner l'année entière. Hadith rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah. Les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour où les actes vertueux sont plus aimés d'Allah le Très-Haut que ces 10 jours. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le mois de Muharram, quand le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut interrogé à propos du meilleur jeûne après celui du mois de Ramadan, il répondit « C'est le mois d'Allah que vous appelez Muharram. » Hadith rapporté par l'imam musulman.